Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est fou, édition anglo. Hey, bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou, édition anglo pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant les prochaines heures, ben, on va écouter le palmarès anglophone au complet de la 20e à la première position. La semaine passée, le numéro 1, c'était du côté anglophone, bien sûr, Paloma de We Are Wolves. Cette semaine, on a de nouvelles entrées de la part de Pete Yorn et Scott Johansson, Alice in Chains, Dead Man's Bones, Band of Skulls et The Almost. Mais on commence avec la 20e position qui, elle aussi, est nouvelle. C'est la formation de Job. Voici Soon dans les Palmarès C'est fou. Au 89 FM. Band of Skulls et I Know What I Am dans les palmarès et fous éditions anglophones. C'était la position numéro 18, ça c'est nouveau. En 19e, c'était The Almost avec Hands. On a débuté avec The Job et Soon. Donc les trois premières nouvelles entrées du côté anglo. Il nous en reste trois de ces nouvelles entrées. D'ici à la fin de l'émission, on va savoir qui est numéro 1. Est-ce que c'est toujours We Are Wolves avec Paloma? C'est ce qu'on saura tout à l'heure. Et pour ceux qui sont intéressés par le côté franco des palmarès, ben écoutez, demain jeudi entre 13h et 15h, si vous écoutez le vendredi soir parce que l'émission est rediffusée entre 17h et 20h, eh bien les palmarès francophones suivront cette édition des palmarès anglophones. Donc, dans le prochain bloc qui est composé entièrement de nouvelles entrées, il va y avoir Pete Yorn et Scott Johansson ainsi que Alice in Chains. Mais on commence avec Dead Man's Bones. Voici My Body's a Zombie for You. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM.

good times lie ahead. Oh, oh. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. I'd go anywhere with you. Beat Yourney, Scott Johansson avec Shampoo. Nouvelle entrée en 15e position. Avant ça, c'était Alice in Chains avec Black Gives Way to Blue. On a débuté avec Dead Man's Bones et My Body's a Zombie for You. C'était le deuxième bloc de nouvelles entrées. Donc, on en a 6 en tout. Gros ménage dans le top 20 anglophone qu'on continue pour encore un bon moment. Je vous rappelle que le numéro 1 de la semaine dernière du côté anglo, c'était We Are Wolves avec Paloma. Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour savoir si ça tient. Aussi, plus tard dans l'émission, on va avoir plein d'autres groupes. Je pourrais en mentionner quelques-uns. History of Islands, Tegan and Sarah, Tommy T, Priestess et Air vont suivre plus tard dans l'émission. Dans le bloc qui s'en vient juste là, il va y avoir du Steve Hill et de Majestics tout à l'heure, mais on commence avec la position numéro 14. Elle monte de 5 places. Voici Miraculous, The Parlor Steps dans les palmarès, c'est fou, édition anglo au 89 FM. Retour, Steve Hill and Majestics et Priestess dans les palmarès c'est fou anglo. Numéro 13. you've been dreaming too. I've been thinking of you. Oh, please tell me the truth. Have you got sugar for me? 'Cause I've got honey for you. I need your loving so bad, like I'm never had. I know that everybody wants to do it to you, but you know what you got to do. If anybody's got to give it to you, baby, I'm the one that's got to do. Well, you know what's right, but I know what you want. How can it be wrong if I know what you need? I got to have your love wrapped around my neck. Oh, I don't mind, baby. Just squeeze my last breath. Everybody wants to do it to you, but you know what you got to do. If anybody's got to give it to you, baby, I'm the one that's got to do it. I'm the one that's got to do it. Priestess et Raccoon Eyes en 12e position anglophone. Ça monte de deux places avant, c'était Steve Hill et The Majestics avec la 13e position de One. Ça monte de deux places et on a débuté avec Parlor Steps et Miraculous qui montent de 5. On est rendu à la 11e position. Plus tard, on va entendre du A History Of et du Tommy T. Et commençons par la 11e directement. Elle monte de 9 places. Il était nouvelle en 20e. La semaine dernière, c'est Air. Voici So Light Is Her Footfall dans les palmarès C'est Fou édition anglo à l'antenne du 89.fm. Thank you. Très bon petit bloc de milieu de palmarès. Ça, on vient d'entendre Tommy T avec The Call qui monte de la 17e place. C'est en 9e anglophone. Avant ça, on a sauté par-dessus You Say Party, We Say Die avec There's Love Within My Heart. C'était stable. Et on a débuté avec Air et So Light Is Her Footfall qui monte directement de la 20e. C'est seulement sa 2e semaine de présence et ça a monté de 9 positions. Donc presque la moitié du palmarès de franchi déjà pour Air. Donc, comme je disais, on a parcouru la moitié du palmarès jusqu'à maintenant. On va avoir des artistes tels que Metric, Islands, Hockey, We Are Wolves, Two Hours Traffic, plein d'autres choses d'ici la fin de ce palmarès édition anglophone. En passant, je vous rappelle la nouvelle case horaire pour ceux qui sont pas encore au courant. Et ben, les palmarès C'est Fou sont maintenant présentés les mercredis entre 13h et 15h en version anglophone et les jeudis, même heure, 13h à 15h pour l'édition francophone. Et tout ça est compressé le vendredi soir en 3h entre 17h et 20h. Donc, anglophone suivi de francophone directement. Donc, dans le prochain bloc, il va y avoir du champion. On commence avec A History of Ammunition Ships. Deux longues pièces de 5 minutes chaque. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour un autre bloc où je dis pas grand-chose. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. numéro 7. Yeah! champion avec So Big en 7e position anglophone. Ça monte d'une place. Avant, c'était A History Of avec Munition Ships qui monte directement de la 16e place dans notre palmarès anglophone sur C'est Fou 89.fm. J'aime ça parler comme ça, c'est drôle. Il reste les positions 6 à 1. On va atteindre la première position d'ici environ une demi-heure, je dirais. Je vous rappelle que la semaine passée, numéro 1, c'était Paloma de We Are Wolves. On va voir si ça tient tout à l'heure. Mais avant ça, dans le prochain bloc, il va y avoir du Islands et du Hockey. On commence avec Metric. Voici Twilight Galaxy. Vous êtes dans les palmarès C'est Fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et aujourd'hui, c'est la version anglophone. Hein? Bon, c'est ça, anglophone. Demain, jeudi, entre 13h et 15h, francophone. Vendredi soir, 17h à 20h, tout le cadeau complet. Un ensemble. T'achètes les bas et t'as les bobettes avec. Non, c'est pas une bonne image, juste tout ça. Did they tell you you should grow up when you wanted to dream? Did they warn you better shape up if you want to succeed? Keep doing it wrong. Metric avec Twilight Galaxy, 6e position anglophone, ça monte d'une place. Restez avec nous parce qu'après la pause, il y aura du Islands, du Two Hours Traffic, Tegan and Sarah, We Are Wolves. On va savoir qui est notre numéro 1 anglophone. C'est dans les palmarès, c'est fou, au 89.fm. Numéro 5. Hoping Gallons et Vapors en position numéro 4. Ça reste stable dans la même position exactement que la semaine dernière. Avant ça, il y a eu Hockey avec Too Fake qui monte d'une place. Même chose, montée d'une place pour Twilight Galaxy par Metric qui est en 6e position. C'est l'album Fantasies. Les choses avancent, on est déjà rendu dans le top 3 de notre palmarès anglophone. Je vous rappelle encore une fois la nouvelle case horaire des palmarès C'est fou qui est le mercredi et le jeudi entre 13h et 15h. C'est en anglophone le mercredi, donc aujourd'hui. Et jeudi, c'est francophone. On rediffuse ça le vendredi soir entre 17h et 20h, les deux éditions, une juste à côté de l'autre, comme des compagnons qui se tiennent par la main. Hein? Bon. Je vous rappelle aussi d'aller voir le www.cif.ca pour nous écouter en direct sur Internet et le assemblagerequis.com pour télécharger la balado-diffusion et en connaître plus sur les palmarès C'est fou sur Assemblage Requis, la dernière porte à gauche, les CNX.zip. Ce sont les émissions que nous animons, Kiwan et moi. Kiwan et moi qui d'ailleurs seront ensemble à Assemblage Requis dans environ 45 minutes si vous écoutez en direct le mercredi. Donc, on est rendu à la position numéro 3. Tout de suite, voici Tegan and Sarah avec l'ancien numéro 2, Hell, dans les palmarès C'est fou, édition anglophone au 89 FM. Tegan and Sarah avec Hell, c'est l'ancien numéro 2 de la semaine dernière qui est maintenant en 3e position. Leur album s'appelle Sainthood. Très bon, j'aime ça, Tegan and Sarah, je ne l'ai pas assez, mais j'aime beaucoup ça. Il nous reste les positions numéro 2 et 1. Je vous rappelle que la semaine passée, le grand numéro 1 anglophone était We Are Wolves avec Paloma. Est-ce que c'est encore là? Vous allez le savoir dans à peine quelques minutes. On va voir si c'est ça qui va jouer à l'instant ou si c'est ce qui va jouer après. J'en ai aucune espèce d'idée, moi. Pas de feuille, moi je fais ça au hasard. Hein? Très mauvais acteur, je le sais. Donc, numéro 2 tout de suite, et puis après ça, ben, on se retrouve pour le numéro 1. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, 89.fm. Paloma, l'ancien numéro 1 qui est maintenant numéro 2 anglophone, ça vient de leur album Invisible Violence dans les palmarès c'est fou édition anglophone. Si vous êtes un fan des palmarès c'est fou, hein, et qui ne l'est pas, bien sûr. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas fait de jeu de mots avec le numéro 1 depuis quelques temps. Ça manque. Les jeux de mots, c'est essentiel pour le numéro 1, sinon tu peux pas comprendre c'est quoi l'affaire. Je dirais que comme excuse que mes jeux de mots étaient pris dans le trafic. Disons. Il faisait pas de bruit. Hein? Vous comprendrez après quand j'expliquerai le nom du numéro 1. Et en première position. Yeah-hee! should explain. It's a tired refrain. C'était le grand numéro 1 du palmarès anglophone. Avant de dire le numéro 1, faisons un petit récapitulatif. Oui, mot toujours aussi long. En troisième, c'est l'ancien numéro 2, Tegan and Sarah avec Hell. En deuxième, l'ancien numéro 1, Paloma de We Are Wolves. Et on vient d'entendre Two Hours Traffic avec Noisemaker qui monte de deux places. Noisemaker, fait pas de bruit, puis Two Hours Traffic, puis dans le trafic. Vous avez compris le jeu de mots, hein? Allez, petit fin final. Donc ça, c'était le palmarès anglophone. Les auditeurs du vendredi, ils s'en vont directement dans le palmarès francophone dans quelques minutes à peine. Nous, le mercredi, ben, on va continuer avec un petit peu de top électronique, top loud et top 30 des albums. On va se faufiler ça derrière la cravate, si on veut, pour la prochaine demi-heure, jusqu'à l'assemblage requis, qui commence à 15h. Donc, voilà pour ça. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Et en passant, juste pour terminer la petite demi-heure comme ça qui se termine, hein, finalement. Je cherche mes mots pour rien. On se quitte avec la position numéro 10. Elle est stable. On l'a sauté tantôt. Voici You Say Party, We Say Die et There's Love Within My Heart. À tout à l'heure. imbécile, hein? C'est fou, c'est malade. 89. Hey, bon retour, c'est la deuxième partie des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. On est rendu dans la portion extra, si on veut, où on fait un petit tour du top 30 des CD, du top 3 des disques canadiens, du top 10 loud et du top 10 électronique. Aujourd'hui, on va passer une grosse partie de la demi-heure dans le top 10 électronique. Là-dedans, il y a deux nouvelles entrées. En 9e, Theage avec The Darmok EP. Et en 8e, The Phenomenal Hand Clap Band avec 15 to 20 You'll Disappear Remixes. Mais on va écouter, nous, le top 3 en troisième position. Ça monte d'une place. Donc, on va l'entendre pour la première fois ici au Palmarès. C'est un artiste qu'on aime beaucoup parce qu'il est de Trois-Rivières. Et aussi parce que, accessoirement, il anime le dîner de cons entre 11h et 13h du lundi au jeudi. Voici Bio Bazar avec son album Futuristic Psychedelic Archives et la pièce Carousel au Palmarès. C'est fou. Très bonne, je dirais même excellente pièce de Biobazar de son album Futuristic Psychedelic Archives. On vient d'entendre un morceau qui s'appelle Carousel. Ici dans les palmarès, c'est fou. Vous savez que Biobazar lance son album ce vendredi 27 novembre. Séance d'écoute avec plein de projections vidéo dans ta face, dit-il. Donc c'est un 5 à 7, c'est à l'Embuscade sur la rue Badeau à Trois-Rivières. Allez-y, c'est vendredi soir 27 novembre. Donc dans 2 jours à peine. Donc, on est dans le top 10 électronique en ce moment. On vient d'entendre la troisième position qui montait d'une place, Biobazar. On va tout de suite écouter la deuxième, c'est l'ancien numéro 1. On écoute la formation Spaceful of Astronauts tout de suite dans vos oreilles. C'est fou, 89.1 FM. Le projet québécois Space Full of Astronauts avec leur album Nano Music en deuxième position du palmarès électronique. La pièce est Plenty of Room at the Bottom. Il y aura seulement le numéro 1 du top 10 électronique à écouter. Ensuite, on plongera un petit peu, pas trop longtemps. On va saucer un orteil, je dirais, dans le top 30 des albums. Mais tout de suite, voici Droppa et le grand numéro 1 du top électronique. L'album est A Well Orchestrated Plan. Et on écoute justement la pièce titre tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Really frightening. I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who came with 9/11 were able to knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people and to subordinate themselves to anything the government wants them to do. Le groupe américain Droppa avec la pièce titre de leur album A Well Orchestrated Plan qui est au numéro 1 du top 10 électronique. C'est ici dans les palmarès, c'est fou qu'on a entendu ça. Donc ça, ça boucle notre top 10 électronique que vous pouvez entendre au complet les samedis soirs dans l'émission Le Vestibule. Ça commence à 21h et c'est animé par Jean-François Fecteau. L'émission est presque terminée déjà. Assemblage requis va suivre à 15h avec moi et Key1, comme toujours, du lundi au jeudi. C'est toujours ça. À la version francophone, donc des palmarès, c'est fou, ça c'est demain. Entre 13h et 15h, c'est moi qui vais animer ça. On va faire le top 20 au complet. On va savoir si le numéro 1 francophone est toujours à la patte rose avec Jesse Cock. Mais quel mystère! On va se quitter avec un extrait du palmarès Top 30 des CD. Ça vient tout juste d'entrer en 30e position. C'est l'album North Hills de la formation américaine-californienne Dawes. Et l'extrait qu'on s'en va entendre s'appelle Love is All I Am. Et à tout à l'heure dans Sondage Requis. Bye! Smile and accept the things that you don't know.